Chapitre 6e. Conversation avec Frosine. Frosine, le lendemain de l'enterrement, revint à l'heure habituelle et commença de faire l'ouvrage de chaque matin. Elle n'avait plus ses vêtements de deuil, mais la livrée de tous les jours, couleur de poussière. Davidé, qui la vit entrer dans les classes et qui l'en vit sortir peu après, fut ému par ce visage, si violemment fouillé et pâli par la douleur que les enfants, prenant la souffrance pour de la colère, s'écartaient et ne disaient pas, selon leur coutume, « Bonjour, Madame Frosine ». Elle ne cessa d'y songer pendant la récitation des leçons. Il lui sembla qu'elle était lâche si elle ne parlait pas à cette peine dont personne ne prenait soin, et elle s'inquiéta de le faire. Les enfants étaient dissipés et la maîtresse était énervée. Quand elle sortit de la classe, au moment de la petite récréation qui coupe en deux la matinée, elle vit venir à elle Mademoiselle Renée, entourée d'élèves bourdonnantes, et qui lui dit « Votre amie, Madame Frosine, demande à vous parler, mademoiselle. » Les élèves riaient de l'intention qu'elle ne pouvait saisir entièrement, que la directrice avait mise dans ces deux mots « votre amie ». Elle vous attend au fond du jardin. Allez-y, je surveille. » L'adjointe traversa la cour, ouvrit la barrière du jardin, et au bout de l'allée, sur le banc, elle aperçut la femme que Mailleul avait quittée, la mère qui avait perdu sa fille. Elle était pâle aussi, et faisait effort pour ne pas montrer qu'elle tremblait. Car Frosine la regardait, le corps ployé, les coudes sur les genoux, le menton sur ses deux poings rapprochés, et il y avait dans ses yeux fixes, dans cette figure immobile, une sorte de folie de douleur, mais une haine aussi qui ne s'égarait point et qui blessait le cœur jeune, le cœur mal assuré de la maîtresse d'école. La jeune fille arriva jusqu'auprès de Frosine, sans que celle-ci eût bougé ou dit un mot, ou cessé de lever les yeux, à mesure que Davidé avançait. L'adjointe s'assit à droite sur le banc et dit « Vous voulez me parler, Frosine ?»« Oui, vous dire que je vous déteste, vous et vos bigoteries. Vous m'avez fait tant de mal que j'aurais dû, tenez, quoi faire ?»« Mettre le feu chez vous. Je n'ai pas de chez moi. À l'école, donc !»« Si vous croyez que je n'aurais pas eu trois marlots résolus pour m'aider, si j'avais voulu. Mais je ne suis pas aux hommes, pour le moment. Je suis au chagrin. Je vous déteste. Entendez-vous » »« Dites-le, si cela vous apaise. Répétez-le. » Il me suffit à moi de ne pas avoir mérité vos injures, Frosine. D'abord, ne m'appelez pas Frosine. Je ne suis plus la balayeuse de vos classes. Fini le métier. Fini entre nous. Je suis Madame Le Floc, lâchée par son mari, et à cause de vous, lâchée par son amant. Je suis surtout une mère à qui vous avez pris l'amour de son enfant, et puis toute la joie de son enfant, et puis la vie de son enfant. Moi ? Vous ? Pas d'autre que vous. Dites donc. C'est bon aux prêtres de maîtriser et de condamner les femmes qui vivent avec un amant. Ils ont leur évangile, leur bon Dieu, leur prière. Mais vous, est-ce que ça vous regarde? Ou donc avez-vous appris qu'on n'est pas maître de son corps, comme vous le dites, dans la loi? Laquelle? Celle que vous faites et que vous défaites? Je connais ceux qui la font, la loi. C'est du beau monde. Et ils se gênent, oui, quand leur loi les gêne. Vous êtes, vous, sûrement, et celle qui vous ressemble, et peut-être la directrice des hypocrites. Vous n'aviez pas à me juger. Vous avez appris à mon enfant à me juger. Non, elle vous a jugé d'elle-même. Et vous l'avez encouragée, vous, Mademoiselle Birot, et elle est morte, morte, morte. Et il y avait longtemps que je n'avais plus que son corps dans mes bras quand je l'embrassais. Je vous déteste pour tous les baisers vides qu'elle m'a donnés, pour toutes les larmes qu'elle a pleurées sur ma joue. Sans vos leçons, Anna vivrait. Hélas, elle avait d'autres raisons pour mourir. Quoi donc? Le sang qu'elle avait reçu. Mais si je peux lui faire l'âme plus pure, je ne le regrette pas, même si elle a souffert, même à présent que vous me le reprochez. Je voudrais que toutes mes filles de l'école fussent semblables à elle. Vous voyez, vous l'avez soutenue. D'ailleurs, vous me l'avez dit chez moi, à moi, que j'avais tort. Il faudrait que vous changiez la laïque, sinon. Sinon? Il y a des gars qui n'ont pas peur ici. Ils parleront à vos chefs, vous filerez. Elle disait cela sans bouger, d'une voix basse, mauvaise, sans cesser de regarder la cour, d'où venaient les cris des compagnes vivantes d'Anna. Elle avait le cœur tout plein de sanglots qu'elle retenait, et l'effort secouait par moments, d'un tressaillement bref, sa tête qui reposait sur ses poings, et ses cheveux ardents, à moitié défaits, traversés de soleil. Davidé, pour ne pas céder à un mouvement d'indignation, répondait le moins de mots possible. Elle sentait ce qu'il y avait de douleur, mais aussi de révolte contre tout et de misère morale, dans cette colère et ces menaces de Frosine. Ces deux femmes, pour qui les voyaient de loin, comme Mademoiselle Renée, avaient l'air de causer calmement, l'une lasse et courbée et l'autre droite, dans la lumière belle du matin. Davidée, quand elle s'entendit menacée, quelle générosité mystérieuse s'était donc glissée en elle, fut émue de pitié. Elle se pencha et dit « Madame Lefloc, puisque vous ne voulez plus que je vous appelle Frosine, je suis une pauvre fille qui a voulu enseigner les autres. Je ne sais pas tout. Je doute de beaucoup de choses. Ce que j'enseigne est peut-être chrétien, bien que je ne sois guère chrétienne. Mais je suis très sûre qu'il n'y a pas de bonheur dans le désordre. Et c'est cela, voyez-vous, qui m'a fait parler. J'ai aimé votre enfant. J'ai deviné pourquoi elle souffrait. Ce n'est pas moi qui lui avais mis dans l'âme la souffrance qui la minait. Mais personne ne pourra me faire dire qu'elle avait tort. On me fera filer, comme vous dites. On ne me fera pas désavouer ma petite amie qui voulait que sa mère n'eût pas d'amant. » Frosine l'interrompit. « Vous me ferez vivre alors, si je le pouvais. Je partagerais plutôt avec vous. » Les yeux ouverts s'ouvrirent grands et se tournèrent vers Davidée. On y vit l'esprit désennobli, défiant de tout bien et confiant en soi seul. Frosine se mit à rire et leva les épaules. « Innocente, je ne suis pas de celle que vous conduirez. N'essayez pas de me faire du bien. C'est assez d'avoir endoctriné l'enfant. Moi, je suis dur, je ne crois pas aux mots, et je ne suis pas venu pour vous demander l'aumône. Mais je veux que vous sachiez autre chose encore que ce que je vous ai dit. Vous avez réussi à séparer de moi Mailleul Jacquet. Vous croyez que c'est une belle victoire? Pour lui, peut-être. Détrompez-vous, il m'aime encore. C'est lui qui a voulu me quitter, je ne le cache pas. Moi, je l'ai laissé aller à cause de l'enfant qui était si malade. Mais si j'avais voulu, jamais il ne m'aurait laissé. Il m'avait dans le sang. Je ne vous demande pas vos secrets. Si j'ai envie de vous les dire, et aujourd'hui encore, je n'aurai qu'un signe à lui faire. Si je reviens un jour, vous partez? Si je reviens, et si je le veux, je n'aurai pas même besoin de faire un signe. Je n'aurai qu'à le regarder d'un bord à l'autre du vieux fond de la grenadière. Il reviendra à moi comme un chien qu'on appelle. Pourquoi me dites-vous cela? Vous êtes averti. Je n'ai pas besoin de l'être. Je sais ce que je dis. Oui, je m'en vais. Vous n'entendrez plus parler de moi d'ici un peu de temps, peut-être même jamais. Je ne peux pas me passer d'enfant. Ma fille est morte. Je veux mon fils. J'irai jusqu'à ce que je retrouve Lefloc, et je lui demanderai ce qu'il a fait de Maurice. Comment vivrez-vous? J'aurai toujours le moyen de gagner 10 sous à balayer une maison comme ici, n'est-ce pas? Ne recommencez pas à me faire de la morale. C'est un bon débarras pour vous que le départ d'une femme comme moi. Je vais chercher mon premier enfant, celui que le père m'a volé. Adieu, mademoiselle. Elle se dressa debout, et Davidée lui prit la main. « Vous n'avez pas réussi à me blesser. Dites-moi où vous allez. Devant moi. » Mais elle ne se dégagea pas. Sa main resta dans la main de la jeune fille. Les enfants de l'école se remettaient en rang pour rentrer en classe. « Avez-vous au moins, Madame Lefloc, des raisons de croire que votre mari est vivant et qu'il travaille ici ou là? J'ai su quelque chose par l'homme que vous avez vu à l'enterrement de la petite. Avez-vous de l'argent pour la route? Est-ce loin? Je travaillerai. Mais vous ne connaîtrez personne. Quand partez-vous? » Elle ne répondit pas. « Je veux vous revoir. Quand partez-vous? » La femme, sans se détourner, dit « Demain, au petit jour. » Puis elle quitta l'adjointe et se dirigea vers l'école. Davidée la suivit. Elle traversa la cour en diagonale et entra dans la classe, tandis que la servante, vêtue de sa robe de misère et coiffée d'or par le soleil, ouvrait la porte du chemin et disparaissait. Du carnet vert. Que cette journée a été rude pour moi. J'aurais voulu avoir la liberté de réfléchir, de juger ce que j'ai dit ce matin à Frosine, de décider ce que je dois faire. Et la fin de la matinée s'est traînée dans l'ennui des récitations, dans le bruit des conversations qu'il fallait interrompre. J'ai dû punir, j'ai entendu des réponses d'élèves où il ressort clairement que les parents se désintéressent de l'enfant, que je suis presque tout dans l'éducation de ces petites, et que j'ai devant moi des esprits sans discipline et des instincts non combattus, déjà puissants. Mademoiselle Renée, à qui j'ai dit cela, je lui parle à peine à présent, s'est moquée de moi. Que de nature grossière, que de mauvais sentiments dans ces âmes d'enfants. Et si je blâme, je sens que je ne touche pas. On me craint, c'est tout. Mes paroles sont sans force. Elles se heurtent soit à une indifférence morne, soit à une sorte d'ironie et de défiance qui semble née avec ces enfants qu'elles apportent du dehors, qui ressemblent au rire de Frosine. Quelques-unes, il est vrai, sont affectueuses. Elles m'ont entouré après la classe et au retour de l'école l'après-midi. Hélas, que que pèsera l'affection qu'elles ont pour moi dans 10 ans ou 2 ans. Même si je parvenais à me faire beaucoup aimer d'elles, que leur aurais-je donné qui les rendit meilleures? J'ai rêvé, comme d'autres, de survivre dans mes élèves. Je me suis dit, autrefois surtout, ma pensée, ma force, mon jugement vivront, anonymes mais bienfaisants, dans l'esprit de ces femmes et de ces mères. Quelle pensée, quelle force, et quelle autorité vraie aura le jugement de David et Biro lorsque l'intérêt leur conseillera d'agir ou que la passion les entraînera? Voici qu'il est tard. J'ai bien du mal, las que je suis des émotions et des piétinements, et de l'attention des pensées, à rassembler mon esprit dispersé entre toutes les heures de cette journée. Les voix des petites sont presque aussi puissantes en ce moment où j'écris, seul dans ma chambre, aux dernières heures du soir, que la voix de Frosine qui me parlait ce matin. Frosine va partir. Qu'a-t-elle voulu dire quand elle s'est vantée de conserver sur ma gueule un pouvoir que personne ne saurait vaincre? Je n'aurai qu'à le regarder d'un bord à l'autre du vieux fond de la grenadière. Il viendra à moi comme un chien qu'on appelle. Pourquoi m'a-t-elle dit cela, à moi? Il faut croire que des commérages ont déjà couru sur les buttes et que j'étais mêlé à de misérables médisances. Ah, quelle bassesse dans tout cela! Il faut cependant que je revoie Frosine. Qu'importe ses menaces, que je ne la laisse pas tout au moins partir sans lui donner une preuve d'intérêt. J'ai promis. Elle est encore plus seule que moi, puisqu'elle a été quittée. J'ai là, dans le tiroir, 20 francs de mon mois. Je les lui donnerai. Je quêterai, maman. Demain matin, à quelle heure? Je laisserai mes contrevents ouverts. C'est le jour qui me verra.